C'est un de ses meilleurs discours, je pense, depuis qu'il est maire de Québec, ce que Régis Labeaume a tenu hier comme propos. Là. C'est le retour d'un Régis Labeaume que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Oui, c'est le retour du bon vieux Régis Labeaume avant qu'il soit élu. Le bon vieux avant Régis Labeaume qui faisait des chroniques sur la politique municipale dans le show du matin. Un Régis Labeaume groundé, un Régis Labeaume à l'écoute du citoyen, à l'écoute de la classe moyenne, du citoyen ordinaire, qui a une famille, qui travaille, qui est occupée, qui est dans le jus et qui est tannée de payer des taxes. C'est ça le Régis Labeaume qu'on a entendu hier. Un discours pertinent, un discours réaliste. Enfin, un politicien qui tient un discours réaliste sur le transport. Fait du bien. Ça fait du bien. Ou en gros, ce qu'il dit, c'est que il faut arrêter d'écœurer l'automobiliste, là. C'est pas vrai qu'en écœurant l'automobiliste, on va le convaincre de prendre le transport en commun. C'est ça le discours de Régis Labeaume hier. Pourquoi faut toujours attendre qu'un politicien soit à 80% d'un sondage pour entendre les vraies affaires? Exactement. Moi, là, exactement. Je sais qu'il y a plein de monde qui disent « ça sent la campagne électorale, le discours de Régis Labeaume, puis pourquoi il prend un discours de même alors qu'il y a 80% d'un sondage? » Moi, je le vois complètement à l'inverse. Pourquoi faut attendre qu'un politicien soit sûr de gagner une élection pour qu'il lâche le politiquement correct puis qu'il se commence à dire les vraies affaires, puis les vrais problèmes, puis les vraies réalités de la mais vie. Mais en même temps, faut être réaliste aussi, là. José a lancé sa campagne aussi hier avec ça, là. C'est carrément ça aussi, là. Et il a pris ses distances du projet de tramway hier. Pis j'avais hâte de voir parce que en 2009, pendant la campagne électorale, il était contre le tramway. Oui. Après ça, pendant son mandat, il est devenu pour. Mais hier, on a senti que le tramway, ça y tente plus ou moins. Là. S'il y en a c'est pas moi qui le paye. Ça va être le provincial. On peut attendre un extrait. On a quelques extraits à vous faire entendre, là, et on peut attendre un premier extrait concernant le tramway. Je pense que son Simon va le vendre. Mais c'est juste que. C'est juste que la population veut savoir si elle va payer, hein. Sa première préoccupation, c'est pas qu'il va passer en ville, c'est qu'elle se demande comment ça va se payer. C'est pas bien compliqué, là. Si vous demandez à la population, on va dire ça coûte cher, qui va le payer? Ça, c'est simple. On veut comme Montréal-Laval, comme le métro, c'est le gouvernement qui paye. Ça, c'est la première réponse que je voulais donner aujourd'hui aussi. C'est le gouvernement qui paye, pas le fédéral en banque. Une fois que tu leur dis que c'est payé à 100% ailleurs, il y a encore plus de monde qui va être pour. C'est certain. Tu peux pas être contre, de toute façon. Si tu n'as pas le payé, pourquoi tu serais contre? Comprenez-vous? Donc, juste avec cette phrase-là, on réalise que le tramway à Québec, c'est pas demain. C'est pas demain. C'est sûr que là, Pauline Marois a dit ce matin dans les journaux, c'est une longue, longue phrase, là. Écoutez, c'est sûr que l'électrification des transports, c'est pour nous un projet majeur. Nous allons proposer un certain nombre d'avenues qui vont nous amener à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Nous en discuterons avec les villes, avec le maire de Québec pour voir s'il y a des possibilités de développer ce qu'il nous propose. À date, t'as rien dit, là. Partager les coûts, mais nous serons équitables. Tu sais, une phrase qui en finit plus, mais qui ne dit rien. Il y a rien là-dedans, là. Il y a rien dans ça. La réalité, c'est que Régis Labeaume le retransférait à patate chaude, là, parce que le PQ, eux autres, hein, ça prend du transport en commun, puis l'électrification des transports. Ah ouais, payez-le. Payez-le. Montez-la, vous autres, la taxe sur l'essence pour payer un tramway à Québec. Parce qu'à la base, Régis Labeaume a raison. Un tramway, c'est une maudite belle bébelle. T'as vu ça, tu sais, des trains en Europe aussi, puis dans les villes. Mm-hmm. Pis, technologiquement parlant, c'est des maudites belles bébelles, là. Mais combien ça coûte? Qui va payer? C'est ça la réalité, là. Il y a un petit bout de phrase de rien du tout qui est loin de se réaliser aussi. Le fédéral qui va embarquer là-dedans, là, aux dernières nouvelles, c'est pas tout de suite, hein? J'ai posé la question à Stephen Harper lui-même. Directement. Tu peux pas avoir ça plus direct, là. J'ai posé la question il y a un an et demi, il m'a dit non, il n'y a pas question. C'était non merci, hein? C'était non merci, pas question de financer un tramway à Québec. Et là, le meilleur s'en vient. Concernant Régis Labeaume qui, hier, a prouvé que un politicien pouvait défendre l'automobiliste. Il y en a pas beaucoup, hein, des politiciens qui défendent les automobilistes qui ont pas le choix de se promener en char dans le trafic. Les politiciens ont tellement peur des groupes de pression, ont tellement peur des journalistes à gauche qui souvent sont ceux qui tiennent les micros devant le dit politicien, qu'il faut que tu sois sûr de gagner ton élection les deux mains dans le dos pour prendre la défense des automobilistes. Moi, je suis content d'entendre un Régis Labeaume que j'ai connu à une certaine époque qui prenait le parti des automobilistes puis qui était réaliste sur son discours de transport. J'étais content hier. Ouais. J'étais assis dans mon char. J'écoutais le retour de Gas. Gas qui est allé se pointer là avec son téléphone au point de presse. Puis j'en revenais pas. Je me disais, hein, c'est un retour à la réalité. c'est le fun flotter, là, mais tu peux pas faire ça indéfiniment. Ça fait du bien d'entendre Régis Labeaume parler d'agrandissement d'autoroute, d'agrandissement d'artère, de tenir compte de la réalité. Tu peux avoir un discours où t'espères des choses, mais à un moment donné, faut que tu tiennes compte de la réalité. Je peux dire, j'espère un jour coucher avec Nathalie Portman, mais à un moment donné, faut que je tienne compte de la réalité aussi. On dirait que dans le transport en commun puis dans les affaires de tramway, on a un discours qui est complètement déconnecté de la réalité, mais vu que c'est pour des bonnes choses et des bons moyens de transport sains, ben là, on a le droit de pas tenir compte de la réalité. C'est ça. Mais Régis Labeaume est le seul politicien actuellement au Québec à parler ouvertement d'élargissement d'autoroute, entre autres concernant Henri IV et Laurentien. Que Laurentien, on le veut à trois voies tout le long et pas de voies réservées en passant. Sur Laurentien, on parle pas de voies réservées. On est convaincu que les autobus vont très bien passer. Quand la capitale est sous-mande, si on met ça à trois voies, c'est réglé à 90% le problème de circulation. Henri IV, faut que ça se fasse. Puis c'est pas de voie réservée aussi sur Laurentien, là. Ça, c'est notre affaire. Tout le monde dit qu'il va y avoir une voie réservée sur Laurentien. Le RTC veut ça, moi, je veux pas. Puis c'est dit ouvert au covoiturage aussi dans les voies réservées hier. Ça, il était à peu près temps que quelqu'un se réveille, là. Ben là, c'est à peu près temps qu'on se réveille. La réalité nord-américaine, c'est ça. Oui. C'est des voies réservées, c'est ouvert au covoiturage. Ça arrive sud, à Saint-Nicolas. On n'a même plus besoin d'aller aux États-Unis prendre nos exemples. Mais partout de ça. Juste à traverser le fleuve. Partout. Et bref, il a parlé aussi là justement de restreindre les automobiles. Je pense qu'on va faire entendre tantôt le point de presse intégral. Ça vaut la peine là. On l'a dans notre banque d'extraits. C'est rare qu'un politicien nous parle. Pour une fois que ça arrive, on va toujours bien l'écouter. Exactement. Hein? Mais en attendant, donc, un troisième extrait. Mais ça, j'aime ça parce que tu peux jouer à l'hypocrite, à l'autruche sur le dossier du transport en commun et des automobiles. Lui, il l'attaque de front. Il dit. C'est pas vrai, je vais écœurer les automobilistes pour les forcer à prendre l'autobus ou le tramway. C'est ce qui est arrivé hier. Puis je suis content que Gas soit allé hier parce qu'on a pu avoir l'intégrale du point de presse. Et ce qu'on constate dans l'intégrale, quand on va vous le faire entendre tantôt, c'est que les journalistes de certains médias n'en reviennent tout simplement pas d'entendre Régis Labeaume dire qu'il n'y aura pas de voie réservée. On dirait que c'est eux autres, je sais pas si c'est des journalistes du Soleil ou de Radio-Canada, on dirait que c'est eux autres qui veulent des voies réservées. Puis du transport en commun. C'est vraiment spécial, le point de presse. Juste de favoriser les automobiles, il y en a qui ont dû faire des cauchemars cette nuit. Ils devaient se réveiller en hurlant, voyant des chars dans leur tête. Complètement fessé des propos de Régis Labeaume. Le meilleur exemple que la politique a un gros problème à grandeur de la province, là, c'est ce qui arrive présentement. Dès que tu fais plus de la politique pour le journaliste, et que le journaliste ne fait plus du journalisme pour le politicien, puis que les deux s'entretiennent pas dans leur petit cercle, où personne n'a accès, là, on dirait que la roue a commence à dérailler. Hein? Comment se fait qu'un politicien parle au vrai monde? Là? Ben oui. Politicien ne s'adresse pas à moi, petit journaliste, avec mes petites prétentions, mes petits objectifs de vie? Comment se fait qu'il parle au monde, lui? Ben oui, que c'est ça, cette affaire-là. Scandale. Troisième extrait de Régis Labeaume. Je refuse de restreindre la circulation pour convaincre les gens de prendre du transport collectif. Quinte, oui. Ils prennent du transport collectif parce que c'est payant pour eux autres. C'est pour ça qu'ils prennent du transport collectif. Parce que c'est plus utile pour eux autres. On peut pas convaincre les gens de prendre du transport collectif en les restreignant. Ça, c'est contre toute mentalité. Fait tellement du bien à entendre. Fait tellement du bien. C'est assez unique comme discours actuellement au Québec. Je veux te faire entendre aussi l'excellent David Lemelin de Démocratie Québec qui a répliqué à tout ça hier. Rappelle-nous qui est David Lemelin. Ça, c'est le gars qui prend des vacances l'été. Et en septembre aussi, au moment où il devrait faire campagne électorale contre le maire de Québec, c'est un gars qui pense qu'il peut aller chercher peut-être un ou deux conseillers avec son parti Démocratie Québec là à l'hôtel de ville de Québec. C'est mon ancien collègue de TQS. Okay. On a un maire aujourd'hui qui parle, qui tient un discours qui date de 1950. C'est incroyable. C'est très clair parce que, dans le fond, au lieu de faire ce qu'on doit faire pour améliorer la situation, ils veulent l'empirer. Les études, ce que ça dit, c'est quand on augmente la capacité du réseau routier, le trafic invariablement finit par combler cet espace-là, puis on revient encore au problème de trafic routier. Ça, c'est de la théorie de merde à deux scènes qui ne tient pas compte de la réalité. La réalité étant qu'Henri IV est bouchonné un dimanche après-midi. Non, c'est la belle théorie, des belles paroles, mais qui ne s'applique pas du tout sur le plancher des vaches. C'est pas du tout. Autre réaction ce matin? Celle d'un gars à qui on a parlé récemment, Alexandre Turgeon, directeur du Conseil régional de l'environnement. Il dit, je cite, « parce qu'on est à 2 mois des élections. Il commente là, tu sais, les propos de Régis Labeaume. Il dit, est-ce qu'il fait ça parce qu'on est à 2 mois des élections? Est-ce qu'il fait ça pour faire plaisir à la radio poubelle? Je ne sais pas de quoi il a peur. Il est à 80% d'appui dans les sondages. C'est justement... Il a plus peur. Et Alexandre Turgeon... Alexandre, c'est un gars qui est probablement habitué d'être le seul qu'on écoute, parce qu'habituellement, les gens ne se soucient pas de la politique. Parce qu'Alexandre Turgeon, il nous a dit, il y a un mois, je pense que c'était en vacances... Ouais, je le replace pas. Qu'il fallait de toute façon prôner le transport en commun. Il fallait diminuer le nombre de voitures sur les routes à cause du vieillissement de la population. Oui, parce c'est que vrai. Les vieux sont dangereux sur les routes. Hey boy. Et que le vieillissement de la population était aussi une raison de diminuer le nombre de chars. Un gars qui est complètement, complètement à côté de la traque, complètement déconnecté de la réalité. C'est comme si, parce que j'aimerais ça qu'autour de la table, il y a des gens qui écoutent la lutte avec moi parce que je trouve ça bon, là, je commence à vouloir interdire le hockey à TV ou le baseball. Je vais les écœurer, là. Ils auront plus le choix. Ils vont écouter la lutte avec moi le lundi soir, Jérôme Pivéro. On va interdire le hockey. On va interdire le baseball. On va interdire les parents aussi à TV le lundi soir. Mais ça, on le fait déjà beaucoup, là, avec, tu sais, prends juste le CRTC avec, on va interdire la musique anglophone. La musique anglophone est interdite dans 65% des cas à la radio. Est-ce qu'on achète plus de francophones? Pense pas, hein? Est-ce qu'un groupe peut se targuer en français d'avoir été plus gros qu'Harmonium et Beau Dommage dans les années 70 à une époque où il n'y en avait pas de règlement? C'est un peu ça. La musique anglophone, c'est un petit peu interdit au Québec. Oui. C'est un peu interdit. Puis, je trouve ça le fun. Je trouve ça le fun que tu prennes l'exemple de la musique. Premièrement parce qu'il est bon, deuxièmement parce que c'est toi qui le prends, puis c'est pas moi, puis ça fesse encore plus. Ça me fait chier là, ça me fait chier Denis là. C'est mettre de la musique à l'index. On est comme ça au Québec en 2013 là. Mais c'est là que tu vois que ça marche pas. C'est pas en voulant forcer les gens à prendre l'autobus que les gens vont prendre l'autobus. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose dans tout. Mais moi, ce que je trouve drôle dans ce qui se passe présentement, là, c'est que des gens qui sont habitués d'avoir tous les micros, toute l'attention, puis de penser qu'ils ont la meilleure idée au monde, là, sont plus tout seuls dans le débat. Non, c'est ça. Puis ce qui est drôle aussi dans le point de presse, puis je vous le dis, là, ça va valoir la peine de se le taper au complet tantôt, là, oui. C'est qu'il parle du RTC aussi. Il parle des fonctionnaires au RTC qui seront pas d'accord avec lui. Mais que ça le dérange pas beaucoup. Là. Le ministre péquiste aussi, à un moment donné, qui reçoit un message. C'est Ben Godreau. Ah, Godreau. Ben Godreau, ben il est fin. Godreau, ben il est fin, mais il va falloir qu'il comprenne. Là. Non, c'est ça. Hein. Très bon. Très, très bon comme propos hier de Régis Labeaume. Puis j'aime ça, moi, voir des enverdeurs capoter puis crier aux meurtres, qu'ils écrivent dans le journal, qui parlent à la TV, qui soient un représentant de l'OB. Faut reprendre contrôle de la politique et de nos politiciens. Yeah, c'est notre responsabilité. Québec, mais ils géreront pas la ville de Québec. C'est ce que j'ai compris un peu de tout ce discours-là. Fait que le tramway, c'est pas demain, les copains. Il y aura pas de tramway dans le prochain mandat, là. Je pense qu'on a tous compris ça. Il y aura pas de début de travaux pour un tramway dans le prochain mandat. C'est ce que j'en comprends pour l'instant. Et tant mieux si la campagne électorale porte sur ce sujet-là.